Vous êtes à l'antenne de CKRL au 89.1 et pour ce dernier segment de Futur Simple, nous recevons maintenant Maude Gratuz. Elle est étudiante en neurobiologie au doctorat à l'Université Laval et elle a participé au concours Ma thèse en 180 secondes. Alors, comme le nom le suggère, il s'agit de raconter sa thèse en 180 secondes, donc 3 minutes. C'est tout un défi. C'est un concours international, donc en plusieurs étapes. Il y a eu d'abord un concours au sein de l'Université Laval ainsi que dans les autres universités de la province d'ailleurs. Puis il y a eu une finale québécoise au printemps. De la même façon, il y a eu des finales dans plusieurs pays. Et pour finir, il y a eu la grande finale internationale la semaine dernière. Ça s'est déroulé au Maroc. Maude a franchi toutes ces étapes et elle a fini deuxième de cette finale internationale. C'est toute une belle performance. Et Maude est avec nous, bien sûr. Bonjour Maude. Bonjour. Alors Maude, bien sûr, félicitations pour cette deuxième place. J'imagine qu'il y avait de l'ambiance dans la salle au Maroc. Ça se passait à l'université, dans une université au Maroc ? C'était au théâtre Mohamed V de Rabat. Ouais. Et c'est ça, c'était organisé par l'université Mohamed V. Et effectivement, il y avait beaucoup d'ambiance, il y avait beaucoup de nationalités, et puis c'était vraiment une belle expérience. Mm-hmm. Parce qu'il y avait, donc, je crois que dans la délégation québécoise, il y avait 3 Québécois ou Québécoises, c'était oui. Juste 3 filles d'ailleurs. Oui, c'est ça, 3 Québécoises. Puis il y avait aussi des Français, des Suisses, des Belges, des personnes qui venaient de l'Afrique, et puis il y avait aussi le Maroc, bien sûr, ouais, qui nous accueille cette année. Et il y avait même un pays invité cette année qui était l'Indonésie. Donc, on avait vraiment un bel éventail de pays. Ouais. Et puis donc là, les candidats se sont succédés les uns après les autres pour dire leur thèse en 3 minutes. C'est ça. C'est ça. Donc, il devait y avoir une certaine électricité dans l'air. Tes travaux de recherche, à toi, portent sur la maladie d'Alzheimer et de possibles liens avec le diabète. C'est ça. Et donc, on devine qu'il doit y avoir des mécanismes moléculaires assez complexes là-dessous. Et tu as réussi à les expliquer, à les vulgariser en 3 minutes. J'ai essayé, oui, c'est ouais. Ça. Ben, il faut croire que ça a marché, ouais. Puisque tu es arrivée deuxième de cette finale. Donc, est-ce que tu es prête à nous refaire ta prestation ? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, allons-y. Ok, parfait. Donc 180 secondes, c'est vraiment pas beaucoup, mais pourtant d'ici la fin de ces 3 minutes, 60 personnes vont recevoir un diagnostic de démence dans le monde. Et ça fait à peu près 50 millions de personnes qui sont aujourd'hui atteintes, c'est plus que la population totale du Canada. La principale cause, c'est la maladie d'Alzheimer. Alors, mauvaise nouvelle, on ne sait pas guérir cette maladie. Mais faut pas désespérer, on a quand même trouvé plein de choses. Parmi ces choses, on sait que l'une des principales causes de la maladie, c'est l'hyperphosphorylation d'une protéine, la protéine Tau. Je vous l'accorde, hyperphosphorylation, c'est pas un mot qu'on entend tous les jours, mais en fait, c'est plutôt simple. Dans un cerveau sain, comme vous et moi, il y a des phosphates. C'est des petites particules qui vont se fixer sur la protéine Tau, et ça lui permet de bien fonctionner. Mais chez un patient Alzheimer, il y a trop de phosphates sur la protéine Tau, c'est l'hyperphosphorylation. Elle va alors s'accumuler dans le cerveau et c'est toxique. C'est un peu comme les vêtements. Être habillé, c'est pratique, ça tient chaud, puis on est quand même plus à l'aise en public. Mais maintenant, imaginez-vous, avec 10, 20, voire 30 couches de vêtements, ben on peut plus faire grand-chose. La protéine Tau, c'est exactement pareil. Ce qu'on sait aussi, c'est que le diabète est un important facteur de risque pour la maladie d'Alzheimer. Mais on ne comprend pas bien pourquoi pour le moment. Il y a deux grandes hypothèses. Ceux qui pensent que c'est l'obésité le problème dans le diabète. L'autre, c'est la résistance à l'insuline. C'est quand notre insuline n'arrive plus à faire baisser le taux de sucre dans le sang. C'est là que j'interviens dans ma thèse. J'ai utilisé 2 types de souris diabétiques. Une très obèse et avec une légère résistance à l'insuline. L'autre, un peu moins obèse, mais avec une plus forte résistance à l'insuline. Pour qu'on puisse enfin déterminer qui de l'obésité ou de l'insuline affecte la protéine Tau dans la maladie d'Alzheimer. Et là, j'ai été assez surprise parce que j'ai trouvé une hyperphosphorylation massive de la protéine Tau dans le cerveau de mes 2 types de souris de la même manière comme dans la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est ni l'obésité ni l'insuline le problème. Et pour être honnête avec vous, à ce moment de ma thèse, la protéine Tau, je l'aimais plus beaucoup. Hein, mais j'ai continué à chercher, j'ai persévéré, c'est ça la thèse, c'est ça la science. Et j'ai trouvé quelque chose de très bizarre, c'est que mes souris étaient froides. Elles avaient une température bien en dessous de 36 degrés. C'est ce qu'on appelle l'hypothermie. Et la protéine Tau, elle est un peu comme moi, elle aime pas beaucoup le froid. On voit bien chez nos souris que plus leur température était basse, plus la phosphorylation de Tau augmentait. Donc c'était l'hypothermie le problème. Alors, tout simplement, j'ai réchauffé mes souris. Et ça a suffi à restaurer une phosphorylation totalement normale de la protéine Tau. Et le point qui est quand même important, c'est qu'il n'y a pas que mes souris qui soient hypothermiques, beaucoup de patients avec le diabète aussi, surtout avec l'avancée de l'âge. Donc là, j'aime bien faire la petite blague en disant que la RAMQ ne va pas se mettre à nous rembourser nos voyages dans le sud. Mais ce qu'il faut vraiment retenir de cette étude, c'est que il faut surtout pas négliger les effets de l'hypothermie sur notre cerveau, surtout pour nous qui vivons au Canada. Bravo. Merci, merci, merci. Effectivement, donc c'est vraiment très bien vulgarisé parce que c'est tout en termes simples. Il y a juste finalement l'hyperphosphorylation qui pourrait paraître plus compliqué, puis le concept de résistance à l'insuline. Donc ça devait être tout un défi d'oublier les mots compliqués techniques du laboratoire pour réussir à faire une histoire simple. Donc là, tu l'as dit en 3 minutes, ça fait quand même beaucoup d'informations condensées en 3 minutes. Pas toujours facile à comprendre, à intégrer. En fait, en 3 minutes, c'est difficile d'intégrer toutes ces informations. Donc je te propose qu'on reprenne ça plus tranquillement. Pas de problème. D'accord. Donc, on va recommencer, au moment où tu parles de la protéine Tau et de son accumulation dans le cerveau des personnes malades. Donc, qu'est-ce que c'est en fait cette protéine Tau? Les malades d'Alzheimer en ont trop? En fait, dans la maladie d'Alzheimer, il y a 2 marqueurs principaux. Une agrégation entre les cellules du cerveau d'un peptide qu'on appelle A-bêta, et une agrégation, cette fois-ci, dans le neurone, donc la cellule nerveuse, de la protéine Tau. La protéine Tau, elle est très utile dans le cerveau classique. Elle est impliquée dans de nombreuses fonctions. Mais chez un patient Alzheimer, il va y avoir, comme je l'ai dit, trop de phosphate sur la protéine Tau. Et non seulement elle va plus pouvoir faire ses fonctions classiques, mais en plus, elle va s'agréger et cette agrégation est toxique et ça va entraîner à terme la mort neuronale. Ah oui. Et c'est ce qui caractérise principalement la maladie d'Alzheimer, c'est une grande perte des neurones. D'accord. Donc, et le diabète là-dedans, qu'est-ce qu'il vient faire dans la maladie d'Alzheimer? Ben, il vient mettre son grain de sel. Ouais. C'est ça. En fait, des études ont montré qu'il y avait 29% de comorbidité entre le diabète et la maladie d'Alzheimer. Donc, non seulement le diabète est un facteur de risque, donc les personnes qui ont le diabète ont plus de chances d'avoir la maladie d'Alzheimer, mais en plus, on s'est rendu compte que les patients avec la maladie d'Alzheimer avaient certaines caractéristiques qu'on retrouvait chez les diabétiques. D'accord. Le problème, c'est qu'il n'y a toujours pas de traitement pour la maladie d'Alzheimer et le nombre de cas fait qu'augmenter, de même que les nombres de cas de diabète. Donc c'était pour nous assez essentiel de mieux comprendre le lien entre ces maladies afin d'espérer ralentir l'évolution des nouveaux cas de maladie d'Alzheimer. Puis là, il y avait donc 2 hypothèses. C'est ça, il y a 2 principales hypothèses. Beaucoup pensent que c'est... Le problème vient de la résistance à l'insuline, donc c'est l'organisme est capable de produire l'insuline, mais l'insuline n'est pas capable de faire baisser le sucre dans le sang. Mm-hmm. C'est quelque chose qu'on retrouve classiquement chez les diabétiques. Mais d'autres pensent aussi que ça peut être l'obésité fréquemment observée dans le diabète qui pourrait induire et favoriser le développement de la maladie d'Alzheimer. Mm-hmm. Donc c'est ça, j'ai essayé d'apporter un élément de réponse à cette question. Ouais. Et donc, c'est là que tu as utilisé 2 types de souris. C'est ça. Donc, une qui était obèse et l'autre qui était... il y avait plusieurs souris c'est obèses ça, voilà. Et plusieurs souris qui avaient une résistance à l'insuline. En fait, les 2 sont obèses et résistantes à l'insuline. Mais parce que c'était important que les 2 soient diabétiques et aient ces 2 caractéristiques. C'est juste qu'il y en a une qui avait beaucoup plus d'obésité et une légère résistance à l'insuline et l'autre... C'était l'inverse, parce qu'on voulait vraiment rester dans des conditions de diabète. D'accord, d'accord. Donc, et là, qu'est-ce que tu as fait avec ces 2 souris-là? Eh bien, j'ai regardé quel était l'état de la phosphorylation de Tau dans leur cerveau. Ouais. Et on observe quoi? Qu'il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop? Il y en donc, a beaucoup comme trop. Les patients Alzheimer. C'est exactement ça. D'accord. Et alors, là, je ne me souviens plus de la suite dans ton histoire. Mais en fait, s'il y en a beaucoup trop dans les 2 souris, ça veut dire que c'est ni l'obésité ni la résistance à l'insuline le problème. Ah ben oui, c'est ça. Donc ça ne répondait pas à la question. C'est ça. C'est que... Donc comment t'es venu? Donc c'est là qu'arrive la température. Donc comment t'es venu cette idée que ça pouvait être la température? En fait, mon directeur de thèse a à de nombreuses reprises montré que l'hypothermie pouvait provoquer une hyperphosphorylation. Donc c'est quelque chose que l'on vérifie fréquemment. Et là, c'est quelque chose qu'on pouvait se rendre compte assez facilement. Juste en prenant les souris, elles étaient plus froides dans les mains. Ah, c'est vrai. Donc c'est parce que pour qu'on s'en rende compte à la main, c'est que c'est pas juste 0,1 degré, là. C'est que c'est vraiment une bonne différence. Non, c'est ça. C'était quand même de 3-4 degrés, la différence. Et c'est appréciable, C'est ça. Puis nous, on est quand même habitués à manipuler des souris. On sait la température qu'elles sont censées avoir. Et puis ça se sent assez rapidement quand elles sont plus froides. Donc là, l'idée, c'était de les réchauffer pour voir si la phosphorylation des protéines tau tombait. C'est ça, exactement. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, une heure a suffi, après les avoir, de réchauffement, à restaurer une phosphorylation totalement normale. Ah ouais. Et est-ce que c'est stable? Ou est-ce que si la température redescend à nouveau, est-ce que... Si la température redescend, la phosphorylation va réaugmenter. Ouais, d'accord. Donc, d'où l'idée éventuellement d'un traitement ou du moins d'une prévention pour les personnes qui sont diabétiques ou obèses, donc qui sont peut-être à risque de développer l'Alzheimer, de se tenir bien au chaud. Pourquoi pas? Il faudrait surtout comprendre pourquoi... comment cette hypothermie contribue au développement de la pathologie, à quel point elle est impliquée. Parce que ça ne veut pas dire que c'est que l'hypothermie le problème, mais on amène juste une nouvelle hypothèse. C'est ça, en fait, on repousse le problème un peu plus loin. Donc, c'est ça. C'est juste un nouveau paramètre à ne pas négliger parce qu'il semble quand même assez impliqué. Ouais, parce que là, en fait, on ne sait pas pourquoi ces gens-là, ces souris-là, finalement, ont plus froid. C'est ça. Ouais. Mais c'est quelque chose qui est souvent vu dans le diabète, même chez les patients. Ouais. Donc, est-ce qu'on a déjà des hypothèses là-dessus? Sur le développement de l'hypothermie? Oui, c'est ça. Sur un lien entre le diabète et l'hypothermie? Ça a déjà été souvent étudié, c'est encore assez flou. Certains patients, c'est surtout aussi avec le développement de l'âge. Les patients plus âgés ont souvent des problèmes de température, et vu que les patients diabétiques ont quelques problèmes de métabolisme et donc énergétiques, ça peut entre autres expliquer, être une hypothèse qui explique l'hypothermie. D'accord. Et là maintenant, donc, dans ton doctorat, t'en es où? Je suis en train d'écrire ma thèse. Oui, donc, d'accord. Je suis en train de finir. D'accord. Donc tu ne vas pas te pencher, essayer d'élucider ces problèmes, la cause de cette hypothermie, ce ne sera pas toi qui vas le faire. Non, ce ne sera pas moi, mais c'est sûr que quelqu'un va se pencher dessus. D'accord. Ben écoute, Maud, félicitations d'abord pour cette recherche, pour avoir apporté une connaissance supplémentaire entre ce lien entre le diabète et le diabète.